Allez, à nous. À qui? À nous. À nous. À nous. À qui? À qui? À qui? À nous. À la rue. À la rue. Elle est à qui? Elle est à nous. À la rue. Elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui?